Des frères et des sœurs la connaissent. C'est cette sourate à travers laquelle Allah Azza wa Jal, dans un premier temps, il nous rappelle Al-Hakum Al-Takasur. C'est à la fois donc un constat qui doit nous interpeller, que chacun et chacune d'entre nous a été distrait par cette volonté d'accumuler les biens éphémères de ce monde. Dans cette perspective, d'être pris par les enfants, nos épouses, nos biens, et ce sont des choses qui font que chacun d'entre nous se distrait dans la vie de ce monde et oublie l'essentiel pour lequel Allah Azza wa Jalla l'a créé. Allah subhanahu wa ta'ala nous a rappelé « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ » Je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour m'adorer. Donc, un constat auquel il va falloir faire attention, parce que si l'objectif c'est d'adorer Allah Azza wa Jalla et de se rapprocher de lui, si toutefois les biens de ce bas monde vont m'amener à s'écarter, à s'éloigner de cette voie de droiture, c'est qu'il y a un danger. Donc, bien sûr, on peut s'intéresser à la vie de ce bas monde, mais à partir de l'instant que cette vie, ou cet intérêt qu'on accorde à la vie de ce bas monde, ne doit pas nous empêcher d'adorer Allah Azza wa Jalla. C'est la raison pour laquelle, dans d'autres versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous a rappelé que vos biens comme vos enfants ne doivent pas vous empêcher d'évoquer Allah Azza wa Jalla, ne doivent pas vous empêcher de prier Allah Azza wa Jalla. Cela montre à quel point l'être humain, Allah Azza wa Jalla l'a créé pour un objectif bien précis, à savoir l'adorer, et cet objectif doit être la raison d'être pour chacun d'entre nous. Et on doit œuvrer, on doit travailler pour gagner auprès d'Allah Azza wa Jal cette miséricorde et cette clémence, et ne pas se laisser se distraire par l'ensemble de ses biens. Donc, une fois qu'on a précisé donc le but, l'objectif, on l'a bien saisi, on l'a bien compris, que c'est pour adorer Allah Azza wa Jal et se rapprocher de lui, en même temps, il va falloir éviter l'ensemble des voies qui vont nous amener à s'éloigner de cette miséricorde et de cette clémence. Donc Allah Azza wa Jal nous rappelle cette réalité. Donc, vous avez été amené à travers l'ensemble de ces distractions à oublier. Et malheureusement, donc après l'oubli, qu'est-ce qui vient ? Il vient donc la tombe. Jusqu'au jour où vous avez visité les tombes. Bien sûr, donc on peut se poser la question pourquoi Allah Azza wa Jal dans le verset, il a parlé de visite. Il n'a pas parlé de demeure. Donc le verbe qui a été utilisé, c'est Az-ziyara zurtumul qubur. Az-ziyara, c'est vraiment rendre visite. Ce n'est pas demeurer. Parce que la tombe, ce n'est qu'une étape parmi d'autres. Ce n'est pas l'étape éternelle. Ce n'est pas la demeure éternelle. C'est un passage parmi d'autres pour lequel chacun d'entre nous répondra auprès d'Allah Azza wa Jal de ses actes. S'il a agi en bien, ce temps qu'il va passer dans la tombe correspond à une prière, comme la prière de Dor ou la prière de l'Asr. Quant à celui, malheureusement, qui dans la mécréance, où il est décédé dans les péchés, il subira le châtiment de la part d'Allah Azza wa Jal dans cette demeure. Il verra sa demeure dans le delà, dans l'enfer. Au point qu'il dira à Allah Azza wa Jal, Ya Rabbi Sallim Sallim, je veux donc être épargné. Il dira, Ya Allah, fasse en sorte qu'il n'y aura pas de jour de jugement. Tarde-le le plus longtemps possible. Je ne veux pas être face à mes actes. Et pourquoi ? Parce qu'en voyant ce qui se passera dans le les états qui suivent, il se dira donc c'est certainement plus terrible, plus affreux que ce qu'il est en train de subir dans sa tombe. Donc ce moment, c'est le moment de la vérité. C'est le moment de la vérité. C'est le moment où la personne, quand il verra de ses propres yeux la mort, quand il verra de ses propres yeux la mort, il réalisera la réalité de la vie du second monde. Et en même temps, il réalisera l'objectif pour lequel Allah Azza wa Jalla a créé. Et il se rappellera qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour l'au-delà et que ce monde, ce n'est qu'un monde de passage, ce n'est qu'une étape de passage et que la vie pour laquelle Allah Azza wa Jalla nous a créés, c'est l'au-delà. Cette vie, c'est pour accomplir les actes, c'est pour accomplir les hasanat. Et celle auprès de lui, subhanahu wa ta'ala, c'est pour rendre des comptes. Donc, au moment de la mort, chacun d'entre nous réalisera la réalité de la vie de ce monde. Et il est censé, malheureusement, ce sera trop tard. Le croyant, il dira, ya Allah, accorde-moi un retour à la vie de ce monde pour multiplier les hasanat. Quant aux polythéistes, aux mikrayons, ils diront, ya Allah, accorde-moi un délai pour me rattraper. Mais Allah Azza wa Jal rappelle que même si je lui accorderai le moindre délai et s'il fera un retour à la vie de ce monde, il continuera à faire le mal. D'où l'intérêt, à travers cette sourate, à travers ce verset, de se rappeler qu'il y a un objectif bien précis et que l'être humain il est censé œuvrer pour gagner la miséricorde et la clémence d'Allah Azza wa Jal. Il ne doit pas perdre l'objectif pour lequel Allah Azza wa Jal l'a créé, tout en se rappelant qu'il y a un certain nombre de moyens qui sont là, qui s'emploient pour ne détourner de la droiture. Donc, Al-Hakum al-Takatum hatta zumtum al-Maqab. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. Allah Azza wa Jalla insiste. Vous le saurez. Vous verrez de vous-même cette vérité dont je vous parle. Donc, une façon de nous alerter, d'attirer notre attention, de nous dire faites énormément attention parce que ce jour-là, il viendra. Et vous le verrez de vous-même. Et vous allez réaliser cette vérité. Mais les demeures ne seront pas les mêmes. Le traitement de vos dossiers ne sera pas le même. Quant à celui qui aura son livre de sa main droite, il dira, regardez mon livre, regardez ce qui est noté, regardez mes œuvres. Quant à celui qui aura donc son livre de sa main gauche ou derrière son dos, il dira, malheur à vous, ni ma famille, ni mes biens, ni mes enfants ne m'ont été d'une utilité ce jour-là. Il regrettera donc cet instant, il regrettera ce moment. Malheureusement, donc son regret n'a pas d'utilité, n'aura aucun intérêt. Donc, ces différentes étapes dans la tombe qui nous ramènent après auprès d'Allah Azza wa Jal, au jour du Hisab. الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. Vous la verrez avec certitude, avec conviction, vous verrez de vous-même l'enfer, à celui qui a été égaré, à celui qui a près d'autre voie autre que la voie de la droiture. Il verra ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a promis. Il verra dans Allah Azza wa Jal l'a réprouvé. Il verra dans Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait des rappels. Il le verra donc de ses propres yeux. Mais malheureusement donc, quand on l'avait soulevé, ça sera trop tard. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Ce jour-là, vous répondrez auprès d'Allah Azza wa Jal de l'ensemble des faveurs qu'Allah Azza wa Jal vous a accordées dans la vie de Sourat. Cette Sourat, elle a été révélée sur le prophète alayhi salatu salam. Un jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive, c'était après la prière de Isha, tard dans la nuit, où le prophète, il sentait la faim. Donc il était frappé par la faim, par le jour. Il sort de chez lui. Ça, c'est le meilleur des hommes. Celui qu'Allah Azza wa Jal a envoyé comme miséricorde et clémence à l'ensemble de l'humanité. Ce qui l'a amené à sortir de chez lui, c'est qu'il ressentait donc le jour. Il sort de chez lui et il rencontre sur son passage qui les deux meilleurs hommes de la communauté, à savoir Abu Bakr et Omar. Et il leur dit, parce que ce n'était pas un moment où les gens ils ont l'habitude de sortir. Sortir tard la nuit, c'est qu'il y a une raison. Il leur dit, c'est quoi qui a fait que vous êtes à l'extérieur tous les deux? Il leur dit, Wallah, ya Rasulallah, ce qui nous a poussé à sortir, c'est vraiment qu'on a le jour. On n'a rien trouvé à manger ni à boire et on est sorti pour chercher à manger et à boire. Et toi, au prophète d'Allah, il leur dit par Allah Azza wa Jal, ce qui vous a poussé à sortir, c'est la même raison qui m'a poussé à sortir. Donc, ils vont tous les trois chercher à trouver donc quelqu'un qui va accepter cette hospitalité et leur donner à boire et à manger. Ils vont auprès donc d'un compagnon. Le prophète il dit Assalamu alaikum, personne ne répond. Il redit Assalamu alaikum une deuxième fois, personne ne répond. Il dit Assalamu alaikum une troisième fois, personne ne répond. Ils sont morts. Et ça, c'est la règle, c'est la sunna. Vous avez parfois quelqu'un qui vient, qui sonne, 1, 2, 10, 15, 20, il insiste. Ça sonne trois fois, personne ne répond, Assalamu alaikum, tu rentres chez toi. La règle, c'est ça. La règle, 1, 2, 3. Au-delà de la troisième fois, si personne ne répond, salam alaikum. On n'insiste pas au-delà de la troisième fois. Et si toutefois la personne répond, et il vous dit, retournez chez vous, ben, il va falloir retourner chez soi. Il ne faut pas chercher à comprendre. Enfin, si aujourd'hui tu appuies ou tu appelles, on te dit, retourne chez toi, c'est un qatéa, donc c'est une coupure jusqu'à la fin des temps. Donc on ne lui adressera plus la parole. La cheikh, elle rappelait que nos prédécesseurs, ils voulaient tout simplement qu'un jour, il y avait un des prédécesseurs qui voulait tout simplement un jour, quand il frappe, ou quand il appelle quelqu'un, quand il lui dit salam alaykoum 3, qu'il lui dit rentre chez toi. Il cherchait à ce que quelqu'un lui dit rentre chez toi. Et pourquoi? Parce que dans la suite du verset, il lui donnait une thèse qu'il y a. De la part de qui? De la part d'Allah Azza wa Jal. C'est quelqu'un qui est purifié. De la part de qui? De la part d'Allah Azza wa Jal. Parce que quand tu acceptes, quand tu dis retourne chez toi et tu t'en vas parce que donc, ton frère n'est pas disposé donc, à te recevoir, avec un cœur qui est apaisé, Allah Azza wa Jal sait que dans ton cœur il y a le haqq, il y a le bien. Donc il t'accorde cette tazkiya. Donc le prophète il le répète trois fois. Et s'en va. Et là, il y a la femme qui lui dit Wa alaykum assalam ya Rasulallah. Il dit mais je l'ai prononcé trois fois. Comment ça se fait que ce n'est qu'à la troisième? Il lui disait Oh prophète d'Allah, ton salam c'est une baraka, c'est une bénédiction. Je voulais en profiter. Et je savais que tu n'allais pas au-delà de la troisième. Si tu pouvais aller au-delà de la troisième, je n'aurais pas répondu. Regardez donc le fertre. La compréhension des textes de la part des compagnons du prophète alayhi salatu salam. Ils voulaient profiter de sa salutation de la part du prophète alayhi salatu salam. Je vais rappeler aujourd'hui on dit salam alaykum et on On dit salam alaykoum, on trahit nos engagements. On dit salam alaykoum et on vaut. Et, ou plutôt on vole. Alors que le salam alaykoum, c'était la sécurité sur vous. Le salut soit sur vous. Donc c'est, tu annonces à la personne concernée, tu n'as rien à craindre de moi. Alors qu'aujourd'hui c'est l'inverse. Tu lui dis salam alaykoum, c'est un moyen pour l'enfoncer davantage. Donc le prophète, il a été reçu par cette famille, on lui a préparé à manger. Dans une version, donc, il y avait quelques dattes avec de l'eau. Dans une autre version, il y avait des dattes, mais donc le compagnon, il avait donc sacrifié donc une chèvre ou un mouton qu'ils ont mangé. Et quand ils ont terminé, ce qui les a fait sortir, c'était quoi? C'était le jour, hein, donc ils avaient faim. C'est bien ça. Quand ils ont terminé, le prophète leur a dit par Allah, vous rendrez compte auprès d'Allah Azza wa Jalla de ce que vous venez donc de manger. Ce qui les a fait sortir, c'était qu'ils avaient faim. Nous, ce qu'on mange aujourd'hui, on ne le mange pas par faim. Ce qu'on boit, on ne le boit pas parce qu'on a soif. On mange au-delà donc de notre faim. On boit au-delà donc parce que donc on a plus soif. On n'a plus donc faim. Et on a donc un désir donc de manger au-delà. On a un désir donc de boire. Donc si le verset a été révélé suite à trois personnes qui sont sorties parce qu'ils étaient, ils avaient faim et demandaient à Allah Azza wa Jalla donc de trouver donc de quoi subvenir à leurs besoins et sur ça ils rendront des comptes auprès d'Allah Azza wa Jalla, quel sera donc notre jugement à nous qui mangerons au-delà donc de le jour et qui vivront au-delà donc de la soif. أسأل الله العلي القدير لي ولكم التوفيق وأجعلني وإياكم من الذين يتبعون القول وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين.